Sainte Bible selon Saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 19. Ce qu'ayant entendu le roi Ézéchias, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans la maison du Seigneur. Et il envoya Eliasim, intendant de sa maison, Sobna le scribe, et les anciens d'entre les prêtres, couverts de sacs, à Isaïe le prophète, fils d'Amos, lesquels dirent: Voici ce que dit Ézéchias. C'est un jour de tribulation, de reproche et de blasphème que ce jour. Des enfants sont venus jusqu'à l'enfantement, et celle qui est en travail n'a pas de force. Peut-être que le Seigneur ton Dieu entendra toutes les paroles de Rabsakès, qu'a envoyé le roi des Assyriens son maître pour insulter le Dieu vivant, et l'attaquer par les paroles que le Seigneur ton Dieu a entendues. Fais donc une prière au Seigneur pour les restes qui ont été retrouvés. Les serviteurs du roi Ézéchias vinrent donc vers Isaïe. Et Isaïe leur répondit: Vous direz à votre maître: Voici ce que dit le Seigneur. Ne crains point à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont blasphémé les serviteurs du roi des Assyriens. Voilà que moi je lui enverrai un esprit, et il apprendra une nouvelle, et il retournera dans sa terre, et je l'abattrai par le glaive dans sa terre. Rabsakès se retourna donc, et il trouva le roi des Assyriens assiégeant Lobna, car il avait su qu'il s'était retiré de devant Lachis. Et lorsque Sennachérib eut entendu au sujet de Taraka, roi d'Éthiopie, des gens disant: Voilà qu'il est sorti pour combattre contre vous, et qu'il allait marcher contre ce roi, il envoya des messagers à Ézéchias en disant: Vous direz ceci à Ézéchias, roi de Juda: Que votre Dieu en qui vous avez confiance ne vous séduise pas. Et ne dites point: Jérusalem ne sera point livrée aux mains du roi des Assyriens. Car vous-même, vous avez appris ce que le roi des Assyriens ont fait à tous les pays, comment ils les ont ravagés. Est-ce donc que seul vous pourrez échapper? Est-ce que les dieux des nations ont délivré tous ceux qu'ont ravagés mes pères, c'est-à-dire Gozan, Haran, Retsef et les enfants d'Éden qui étaient en Télassar? Où est le roi d'Emath, le roi d'Arphad, le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ana et d'Ava? C'est pourquoi, lorsqu'Ézéchias eut reçu la lettre de Sennachérib de la main des messagers, et qu'il l'eut lue, il monta dans le temple et étendit la lettre devant le Seigneur. Et il pria en sa présence, disant: Seigneur, Dieu d'Israël, qui êtes assis sur les chérubins, c'est vous qui êtes le seul Dieu de tous les rois de la terre. C'est vous qui avez fait le ciel et la terre. Inclinez votre oreille et écoutez. Ouvrez vos yeux, Seigneur, et voyez. Écoutez toutes les paroles de Sennachérib, qui a envoyé pour incriminer devant nous le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, les rois des Assyriens ont détruit les nations et toutes leurs terres, et ils ont jeté leurs dieux dans le feu, car ce n'étaient point des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, de bois et de pierre, et ils les ont détruits. Maintenant donc, Seigneur, notre Dieu, sauvez-nous de la main de ce roi, afin qu'ils sachent tous les royaumes de la terre que c'est vous qui êtes le seul Seigneur Dieu. » Or Isaïe, fils d'Amos, envoya vers Ézéchias, disant: « Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. La prière que tu m'as faite touchant Sennachérib, roi des Assyriens, je l'ai entendue. Voici la parole que le Seigneur a dite de lui. Elle t'a méprisé et elle t'a raillé, la Vierge, fille de Sion. Derrière toi, elle a secoué la tête, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et qui as-tu blasphémé? Contre qui as-tu élevé la voix et porté en haut les yeux? Contre le Saint d'Israël. Par l'entremise de tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit: Avec la multitude de mes quadriges, je suis monté sur le haut des montagnes, au sommet du Liban. J'ai coupé par le pied ses hauts cèdres et ses sapins les plus beaux. Je suis même entré jusqu'à l'extrémité de ses limites, et la forêt de son Carmel, c'est moi qui l'ai coupé par le pied. Et j'ai bu des eaux étrangères, et j'ai séché, par les traces de mes pieds, toutes les eaux fermées. N'as-tu donc point ouï dire ce que dès le commencement j'ai fait? Dès les jours anciens je l'ai préparé, et c'est maintenant que je l'ai exécuté. Et des villes de combattants fortifiées seront comme des collines ruinées. Et ceux qui y sont dedans, faibles de main, ont tremblé et ont été confondus. Ils sont devenus comme le foin d'un champ,